réverbère sur les pavés, dans les rues grises de ton quartier. Tes chaussures te font mal aux pieds, tes yeux qui restent figés sur les vitrines qui défilent, les portables, les souris sans fil, un sex shop, des gadgets à pile, une pub 36-15, heure idylle. Enfin chez toi, dans ton F3, ligne de bus 143, TF1, France 2, France 3. Tu ne te sens pas bien chez toi. Il y a la fille qui n'est plus là, on peut voir son nom sur ton bras. Tu le grattes avec un compas, désinfecté à la vodka. On t'avait dit, petit crois-moi, Jésus-Christ est bien mort pour toi. Chauffer ton dîner, du beurre sur du pain trop grillé. T'as beau écrire sur un cahier jauni par le temps, griffonné, que tu rêvais parfois de choses qui étaient bleues, qui étaient roses. Pas moyen de te concentrer sur des pensées égocentrées. Toi tu te rappelles Pointe-à-Pitre, en grillant des lus qui s'infiltrent. Te souviens de ce voyage, dans ta tête défilent les images de son bikini jaune et bleu, du ciel sans nuages et de feu, de tes mains posées sur ses seins, de ses orgasmes clitoridiens. On t'avait dit, petit enfant, sans De Gaulle on serait tous allemands. Fenêtre de l'immeuble, des jeunes de 11 ans fument et beuglent. Il t'arrive même de les viser avec tes doigts en pistolet. Toi tu rêvais de l'Iowa, du Tennessee, du Dakota, des grands espaces, des horizons, de Davy Crockett, des bisons. On t'avait dit, te laisse pas faire, ou tu finiras fonctionnaire. Petit, crois-moi, Jésus-Christ est bien mort pour toi. Faut pas pleurer, pense aux petits enfants botswanais. Fais ta prière ou tu finiras petit enfant, en enfer.